Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'arrivée au pouvoir de Pierre Elliott Trudeau en juin 1968. Je veux remercier la population du Canada qui nous a confié au Parti libéral et à moi-même un mandat aussi clair. Et je veux remercier tout particulièrement la population de mon comté de Mont-Royal de m'avoir de nouveau choisi pour la représenter au Parlement. C'est avec une très forte majorité que Pierre Elliott Trudeau remporte l'élection du 25 juin 1968. Élu député à Ottawa pour une première fois en 1965, Trudeau se fait rapidement remarquer comme ministre de la Justice sous le gouvernement de Lester P. Pearson avant de lui succéder comme chef du Parti libéral et comme premier ministre du Canada en avril 1968. Et aux élections du 25 juin 1968, c'est une vague rouge qui balaie le pays qui nage alors en pleine Trudeau-manie. Être devenu un mythe, est-ce que ça a beaucoup changé de choses dans votre vie? Parce que vous dites que je suis devenu un mythe. Je dis cela. Je ne suis pas seule à le dire, Marc. Je vous assure qu'il y a une part de réalité en moi. J'aimerais bien vous le faire comprendre. Hein. Mais la partie du mythe, non, c'est... Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir un peu, quand même? Ça m'amuse assez, je dois vous dire. Ce qui n'est pas la même chose que me faire plaisir, ça ne me déplaît pas. Mais... Je trouve ça plutôt drôle, parce que le mythe, c'est pas moi. Le mythe, c'est quelque chose d'inventé. Et moi, je peux le regarder autant que vous. C'est quelque chose qui est là, en dehors de moi, que les gens ont fabriqué, qui a ses bons jours et qui aura probablement ses mauvais. Mais pour la même raison que je ne veux pas souffrir quand ce mythe sera démoli et écrasé, je ne veux pas m'en réjouir au moment où il paraît assez bien éclairé. Avez-vous plus de plaisir à séduire, à convaincre ou à imposer? À convaincre. Pas beaucoup de plaisir à imposer. J'aime beaucoup mieux convaincre. Et séduire? La séduction, n'est-ce pas, c'est une sorte de persuasion ou de conviction. Mm-hmm. On séduit si on convainc avec charme, je pense, ou à peu près. Alors, si... Vous êtes expert en la matière, apparemment, non? Là, non, vous voulez prendre la distanciation à ce moment-là. Non, mais je vous demande, est-ce que vous parlez d'expérience ou est-ce que c'est des choses que vous avez entendu dire? Cet échange entre Pierre Elliott Trudeau, Aline Desjardins et Françoise Fauché à l'émission Femmes d'aujourd'hui en décembre 1968 nous montre magistralement à quel point l'effet de la Trudeau-manie est toujours puissant et bien présent 6 mois après l'élection du premier gouvernement Trudeau en juin 1968. Cette entrevue est réalisée en décembre 1968, je vous le rappelle. Pour nous parler de l'arrivée au pouvoir et du premier mandat de Pierre Elliott Trudeau, je reçois l'historien et politologue Jean-Charles Panton. Jean-Charles Panton, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est vous, Jean-Charles, qui nous avez proposé une émission sur le premier mandat de Pierre Elliott Trudeau. Pourquoi? Pourquoi une émission sur ce premier mandat? Bien, tout est dans ce premier mandat. D'abord, il faut le mentionner, c'est un acteur politique majeur de la période. C'est un des colosses de notre histoire contemporaine, de la même importance que René Lévesque, Robert Bourassa ou Jean Drapeau. On peut dire que tout est dans ce premier mandat-là. D'abord, cette Trudeau-manie dont on a parlé, c'est un personnage, Pierre-Éliott Trudeau, qui séduit par sa façon atypique de faire de la politique, en mettant en vedette son corps svelte en tenue sportive, avec toute l'élégance qu'on lui connaît, là, avec cette fameuse fleur à la boutonnière. Oui. Donc, il est très populaire auprès des femmes, des jeunes et des médias, bien sûr. Et puis, au niveau des idées, déjà, sa vision du pays qui prône un fédéralisme qui est centralisateur, ça s'inscrit très, très bien dans une mouvance de nation building, la construction de la nation canadienne, si chère au Canada anglais. Et déjà, on retrouve tous les thèmes qu'il va défendre tout au long de sa carrière politique, soit la question du rapatriement de la Constitution, le bilinguisme, le multiculturalisme et sa nécessité, en fait, sa profonde conviction d'insérer donc une charte des droits et libertés dans la Constitution. Donc un premier mandat qui annonce ce qui attend politiquement ce pays, pourquoi une vingtaine d'années au fond? Absolument, oui, tout à fait. Et puis, le premier mandat, bien, il est marqué aussi par des grands événements. C'est un mandat qui n'est pas facile, qui est tumultueux. On le sait, en 1970, il y a la crise d'octobre où il va choisir de sortir l'artillerie lourde avec la loi sur les mesures de guerre. On le sait aussi que ça dresse la table pour les affrontements à venir, des affrontements qui vont être constants entre sa vision d'un fédéralisme très centralisateur qu'il va défendre contre un nationalisme ou un indépendantisme québécois. Donc, ça dresse la table pour de nombreuses années. Oui. Revenons au contexte, ce qui le conduit à prendre le pouvoir en 68. Dans quel contexte il est élu, Pierre-Éliott Trudeau, en juin 1968? Peut-être rapidement un petit retour sur sa participation au gouvernement Pearson. En fait, il est ministre de la Justice et il va laisser un bilan qui est somme toute assez important. Il va décriminaliser les relations homosexuelles entre adultes qui sont consentants avec, on se rappelle, cette fameuse phrase très célèbre, « L'État n'a rien à voir dans la chambre à coucher de la nation ». Il va assouplir un certain nombre de procédures de divorce, etc. Il faut dire au départ que la relation n'est pas nécessairement facile entre Pearson et lui. Trudeau trouve que Pearson donne beaucoup trop au Québec, est trop complaisant avec le Québec, avec entre autres le gouvernement Lesage. Lui ne conçoit pas un statut particulier pour le Québec. Le Québec est une province comme les autres. Et bien qu'ils s'entendent nécessairement pas très bien avec Pearson sur des questions politiques, Pearson va lui donner une longueur d'avance dès le départ. Il va lui permettre d'être le principal intervenant à une conférence fédérale provinciale sur la Constitution en février 68. Et c'est là que, véritablement, les caméras vont se braquer sur le personnage parce qu'il n'est pas nécessairement tant connu jusqu'à ce moment-là. Et là, on va le voir avec sa façon flamboyante de s'exprimer, son anglais impeccable, qui vont lui donner la une des nouvelles télévisées. C'est vraiment là qu'il a une longueur d'avance sur les autres candidats. Et c'est là que commence la Trudeau-manie. Oui. Il va l'emporter à la course à la direction, bien sûr, avec, somme toute, quand même, après 4 tours, il a un adversaire qui s'appelle Henry Winters, qui le suit de près, mais donc il l'emporte par 1203 voix, et Winters aura 954 voix, et dès qu'il devient premier ministre, le 20 avril 68, il va s'empresser de convoquer des élections le 25 juin. Oui. Et cette campagne de 68, en pleine Trudeau-manie, Jean-Charles Paneton, ça va ressembler à quoi? Mais il va bousculer, en fait, Trudeau, toutes les espèces de traditions électorales assez conservatrices au Canada. Il embrasse les jolies femmes. Il met, comme je l'ai dit tout à l'heure, son corps en valeur. Il a une attitude frondeur. Il est très une réputation d'aventurier qui plaît aux jeunes. Il est très fort. Il est très éloquent, Pierre-Éliott Trudeau, autant en français qu'en anglais, d'ailleurs. Hein, et c'est une arme politique qu'il manie avec une très, très grande efficacité. Il va défendre, tout au long de cette campagne, une société juste. Mais rapidement, journalistes et observateurs disent qu'en fait, c'est plutôt le dossier constitutionnel qui ressort de ces propositions, parce que pour le reste, ça demeure assez vague. Ouais. Et qu'est-ce qui, au final, va faire la différence et va mener à ce résultat vraiment éclatant, une très grosse majorité? Qu'est-ce qui explique cette victoire éclatante de Trudeau? Bien alors, à la veille du jour du scrutin, c'est le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Il va y participer et puis il va y avoir de la violence. On va des participants, des étudiants indépendantistes vont jeter des bouteilles, des œufs et des pierres vers la tribune où il se trouve. Et il refusera de s'en aller. Les autres dignitaires vont quitter pour ne pas recevoir. Trudeau va faire face donc à cette violence-là. Et c'est ces images-là qui vont être reprises et diffusées à la grandeur du pays et qui vont montrer un homme politique courageux, de la trempe d'un premier ministre qui est capable, entre autres, de remettre le Québec à sa place. Et ça va plaire beaucoup à un certain public, entre autres au Canada anglais. On écoute un petit extrait du déroulement de cette soirée, puis on revient sur l'impact que ça aura sur le résultat du lendemain, mais sur l'image surtout que ça traduit cette fronde de Trudeau ce soir-là. Et je vous jure que ce n'est pas drôle. Je suis actuellement littéralement étendu le long d'une automobile près du parc La Fontaine et on nous bombarde de projectiles qui atterrissent à chaque seconde, près de nous, des bouteilles qui éclatent et je n'ose vraiment pas me lever pour me déplacer. Et ce qui est terrible, c'est que les projectiles suivent les policiers et tout autour de nous, il y a des policiers qui attirent les projectiles. Et nous ne sommes pas protégés, nous sommes obligés de nous terrer sur les voitures, littéralement. Et maintenant, okay. L'évacuation se fait, on baisse la tête sur l'estrade d'honneur. On a lancé quelque chose, je crois, sur M. Trudeau. Oui. Est-ce que, je ne crois pas qu'on l'ait atteint, Janine. Hein? Non, pas du tout. Donc, de toute façon, il est là et il ne semble pas du tout blessé. Il semble que tout le monde veuille évacuer, excepté. Et voici une bouteille qui sort de la foule et qui vient de s'abattre à nouveau au pied de la strade. Et ce sont les invités d'honneur qui gagnent en vitesse l'immeuble, qui quittent l'estrade ensemble pour pénétrer à l'intérieur de l'immeuble. Monsieur Trudeau, cependant, est toujours là. On lui lance son imperméable. Et il se rassied. Et d'un large geste de la main, semble dire à tous ceux qui l'invitent à rentrer, choisissez pour vous, moi je reste. Alors, que nous dit cette image qui est devenue forte, cette attitude, cette décision que prend Trudeau ce soir-là, Jean-Charles Paneton, de ne pas quitter la tribune d'honneur? Qu'est-ce que ça nous dit sur le bonhomme, sur la posture aussi probablement qu'il va adopter face au Québec et au mouvement nationaliste québécois? Bien, en fait, pour le Canada anglais, c'est un héros, disons, oui. Quelqu'un capable de résister donc aux nationalistes et aux indépendantistes québécois. Donc, c'est un premier ministre canadien qui a toute l'envergure pour bien faire son travail. Si bien que le lendemain, donc ces jours de scrutin, le lendemain de cet événement, les libéraux vont rafler 154 sièges, dont 56 des 74 sièges du Québec. Ce sera la plus grande victoire électorale de toute la carrière politique de Pierre-Éliott Trudeau. Parlons maintenant de l'une des lois qui reste emblématique du premier mandat de Pierre-Éliott Trudeau, une loi qui est d'ailleurs au cœur de sa vision politique, la loi sur les langues officielles. C'est une loi qui est adoptée en 1969. Jean-Charles Paneton, que représente cette loi-là pour Pierre-Éliott Trudeau? Pour Pierre-Éliott Trudeau, c'est en fait d'affirmer que le français est une langue officielle au même titre que l'anglais. C'est une façon de répondre aux nationalistes et indépendantistes québécois en disant que oui, la culture et la langue française ont leur place au Canada. Donc cette loi-là, évidemment, institue français-anglais comme langue officielle et les institutions fédérales doivent, dans le cadre de cette loi-là, fournir les services en anglais ou en français en fonction de la demande du citoyen. Il y a une belle unanimité, disons, sur la colline parlementaire à Ottawa sur cette question-là. Par contre, quand on regarde de plus près, disons, dans les provinces, on voit qu'il y a une certaine... L'accueil est beaucoup plus mitigé. Donc, l'Ontario, où se trouve la plus importante minorité francophone du pays, va n'assurer finalement que ponctuellement des services en français dans certaines régions. On se rappellera aussi que le Manitoba va attendre jusqu'en 1979, là, à la suite d'un jugement de la Cour suprême du Canada, pour devoir se confirmer à cette loi-là. Donc, il faut dire que ça prend beaucoup de temps. Et donc, l'impact de cette loi-là, il est, si on peut dire, mitigé dans la mesure où les provinces ne suivent pas la décision du fédéral, ne suivent pas cette politique-là fédérale comme telle. Ouais. Et on peut le dire, 52 ans plus tard, on constate, parce qu'on en parle dans les médias aujourd'hui, qu'Ottawa, autant par Ottawa que par Québec, il y a un recul assez important de la langue française partout au pays. Ouais. La crise d'octobre, on y revient. Automne 70, donc, éclatement de cette crise et la réponse du gouvernement Trudeau à cette crise qui sera très, très dure et qui passera par l'adoption de la loi sur les mesures de guerre, avec tout ce que ça veut dire. Un groupe d'extrémistes a décidé de s'attaquer par la violence et le terrorisme à la liberté et à l'unité du pays. Des menaces pèsent sur la vie de deux hommes innocents. Ces questions sont extrêmement sérieuses et je me dois de vous entretenir de la situation et des mesures que le gouvernement a prises pour y faire face. Dans la région de Montréal, la promulgation de la loi sur les mesures de guerre a donné le signal d'une opération de ratissage sans précédent. Des milliers de policiers municipaux et provinciaux, secondés par des effectifs de l'armée, ont procédé à une série de perquisitions et d'arrestations aux quatre coins de la métropole et de sa banlieue. Environ 1000 soldats du Royal 22e Régiment arrivés hier matin à Montréal ont prêté main forte aux quelques 13 000 agents de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec. Pendant toute la nuit, l'aéroport de Saint-Hubert a bourdonné d'activité. Des troupes aéroportées venues d'Edmonton et comprenant un millier d'hommes sont arrivées au cours de la nuit, tandis qu'affluait vers Valcartier, près de Québec, un contingent venu de Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Un porte-parole de la Sûreté du Québec a révélé ce matin que l'opération de la nuit dernière a permis d'arrêter 238 personnes au total, soit 140 dans la région de Montréal, 52 dans celle de Québec, 20 dans la région de Rimouski, 15 dans la région de Hull et 11 dans la région de Chicoutimi. Alors, on a déjà, bien sûr, abordé cette fameuse crise d'octobre à l'émission, mais on ne peut pas, évidemment, Jean-Charles Paneton, faire une émission sur le premier mandat de Pierre-Éliott Trudeau sans parler de cette crise-là. En quelques mots, qu'est-ce qu'elle nous dit cette crise d'octobre sur le style de gouvernance, sur la vision politique aussi qu'a Trudeau? Bien, en fait, cette décision-là de suspendre les libertés civiles des citoyens est très lourde de sens pour l'héritage politique de Pierre-Éliott Trudeau. Dans ses mémoires, il va se justifier en disant qu'il a répondu aux demandes du gouvernement du Québec et du maire de Montréal et que cette loi-là était nécessaire. Il n'en demeure pas moins qu'il était premier ministre du Canada et c'est lui qui a autorisé l'application de cette loi-là. Ça constitue, on peut dire, une tâche importante à sa carrière politique. Ça amène aussi une certaine ambiguïté envers Pierre-Éliott Trudeau, celui qui avait avait longtemps milité pour les liberté civile. Et puis, on se rappellera aussi que cette fameuse phrase, là, le « Just watch me », témoigne d'un petit penchant autocratique, comme diront les observateurs à l'époque. Et puis, on se rappelle aussi qu'à une certaine époque, il a aussi louangé les régimes de l'Union soviétique et la Chine, et qu'il était chaleureusement... C'est un ami très... Il avait des relations plutôt chaleureuses avec Fidel Castro, qui est aussi un dictateur. Donc, tout ça s'accorde mal avec cette définition-là d'un défenseur des droits et libertés. Oui. 71, vous le disiez au tout début de l'émission, ce qui est fascinant avec le premier mandat de Pierre-Éliott Trudeau, c'est qu'il annonce un peu ce qui va suivre, entre autres sur le plan constitutionnel. En 71, il y a une importante conférence constitutionnelle à Victoria. Cet exercice-là va se solder par un échec, mais Trudeau vraiment pose déjà les bases de la réforme qu'il souhaite et qu'il verra se réaliser dans les années 80. Oui, bien en fait, il y a un certain compromis, il faut le dire, qui se dégage. Donc, les premiers ministres des provinces vont se quitter en ayant un compromis et devant faire adopter, en fait, ce sur quoi ils se sont entendus par les différents parlements provinciaux. Donc, on s'entend sur la procédure de modification de la Constitution, les droits linguistiques, les prestations sociales, l'inscription aussi des droits individuels dans la Constitution, cette fameuse charte auquel il tient. Mais essentiellement, une semaine plus tard, Robert Bourassa, le premier ministre du Québec de l'époque, a annoncé qu'il ne présenterait pas cette proposition-là à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, pour Trudeau, c'est un refus, c'est une défaite aussi. Il parle même de trahison, il évoque le mangeur de hot-dog, cette fameuse phrase qui est restée célèbre. Et puis, il en tire la leçon, une leçon que, qu'importe en fait, hein, que soit au pouvoir des fédéralistes ou autres au gouvernement du Québec, il pense qu'il n'obtiendra jamais d'appui à ces réformes constitutionnelles. Puis on peut dire en fait, sans contredit, que cette leçon-là va lui servir plus tard lors des négociations qui vont mener à ce fameux rapatriement de la Constitution et l'exclusion du Québec en 1982. Oui. Un petit mot sur la politique étrangère de Pierre-Éliott Trudeau, parce que ça aussi, ça vaut le détour. Comment décrire les premiers pas de Trudeau comme premier ministre du Canada sur la scène internationale? Bien alors, il veut définir, hein, toujours dans cette notion, il développe son nationalisme canadien. Il veut affirmer donc la présence canadienne sur la scène internationale. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au monde. Il a beaucoup voyagé aussi. Et donc, il va brasser un peu les choses, on peut le dire. Là. Il est toujours fidèle à son style de fonceur. Il va établir des relations diplomatiques qu'on beaucoup juge hâtives avec la Chine en 70. Il va réduire la participation militaire à l'OTAN de près de la moitié. Il est un peu sceptique avec le Commonwealth. Il va s'impliquer un peu, mais pas trop. Mais ce qui marque le plus sa politique étrangère, c'est qu'il veut se démarquer des États-Unis, ce qui n'est pas sans provoquer des tensions diplomatiques avec le gouvernement américain. Et puis, de son côté, le président américain de l'époque et le républicain Richard Nixon détestent, hein, il appelle le Kennedy du Canada, qu'il traite, entre autres, d'intellectuel pompeux là, ou prétentieux. Mais dans les faits, il faut le dire, hein, les relations commerciales entre les deux pays vont quand même se poursuivre. Suivent normalement, là, oui. Comme tel. On a parlé au tout début de l'émission de Trudeau-manie, de cette personnalité, de ce style de Pierre Trudeau qui l'a rendu à une certaine époque très, très populaire. Mais ce même style et cette même personnalité vont parfois créer des tensions assez vives, entre autres au Parlement fédéral à Ottawa. Et il y a peut-être certains auditeurs qui ont en tête ce fameux épisode du Fuddle Duddle. On écoute à propos de cet épisode, le député conservateur Lincoln Alexander, suivi de Pierre Trudeau dans un reportage diffusé au réseau anglais de Radio-Canada en 1960. He mouthed two words, the first word of which started with F and the second word of which started with O. Il a prononcé deux mots. Le premier commençait par F et le second par O. Il a dit deux fois à John Lundgren et il m'a aussi dit la même chose. Maintenant, je pense que nous avons atteint le point où ce type de comportement est non seulement scandaleux, mais inacceptable. J'ai tenté d'aborder ce point à la Chambre, mais le premier ministre veut couper les cheveux en quatre et déclare qu'il ne l'a pas dit. Mais quand il a articulé, j'ai facilement reconnu ce qu'il a dit et ce qu'il voulait dire. It was readily recognizable by me as to what he said and what he meant. I move my lips and I use my hands in a gesture of derision, yes. But I didn't say anything. J'ai bougé mes lèvres et utilisé mes mains dans un geste de dérision, oui, mais je n'ai rien dit. Si ces gars veulent lire sur les lèvres et tirer des conclusions, c'est leur problème. Ils sont très sensibles. Ils viennent à la Chambre, lancent toutes sortes d'accusations, et lorsque je riposte par un sourire de dérision, ils vont pleurer à maman ou à la télévision qu'ils ont été insultés ou quelque chose du genre. They come stomping out and what, go crying to mama or to television that they've been insulted or something? What did you? Mais à quoi pensiez-vous lorsque vous avez bougé vos lèvres? When you moved your lips. What is the nature? À quoi pensez-vous, messieurs, lorsque vous dites fuddle duddle ou quelque chose comme ça? Gentlemen, when you say fuddle duddle or something like that. Alors, comment décrire ce rapport qu'entretenait Pierre Trudeau avec la joute politique, avec le parlementarisme en particulier, Jean-Charles Paneton, et qu'est-ce que ça illustre, ce fameux épisode du fuddle duddle? Bien, cet épisode du fuddle duddle, c'est essentiellement en français parce qu'on était en anglais, là, donc ça veut dire aller vous faire foutre. Donc, c'est le député conservateur qu'on vient d'entendre. C'est quand il pose une question, Trudeau lui répond allez vous faire foutre. Donc, on voit qu'il a, en fait, plusieurs vont trouver la situation amusante, les explications aussi de Pierre-Éliott Trudeau assez amusantes, mais pour plusieurs de ses collègues même, on n'apprécie pas tellement cette espèce de mépris, de dédain qu'il a envers des élus ou envers le Parlement ou les traditions parlementaires. Ça, c'est pas très, très apprécié. Et puis, c'est pas cette personnalité-là ne se manifeste pas seulement au Parlement, mais aussi au sein de son parti. Il y en a beaucoup de militants, nombreux en fait sont les militants qui vont se plaignent de son désintérêt. Il manifeste peu d'intérêt, en fait, envers les organisateurs bénévoles, les activités de financement, etc. C'est une attitude qu'on juge distante, même des manières qui sont irrévérencieuses. Ça finit par user l'image de Pierre-Éliott Trudeau dans l'opinion publique, ouais. Ça, c'est sûr. Puis c'est l'arrogance aussi, on l'entend dans cette réponse. Puis ça, cette arrogance, oui. Cette arrogance qui fait partie du personnage, qui peut plaire, mais qui peut indisposer, mais vraiment provoquer des réactions très, très vives. Le 30 octobre 72, les libéraux de Pierre Trudeau réussissent à conserver le pouvoir, mais de peine et de misère. Ils se retrouvent donc à la tête d'un gouvernement minoritaire. C'est la NPD qui va leur permettre de survivre. Je rappelle que 4 ans plus tôt, les libéraux avaient remporté une majorité énorme au Parlement fédéral. Qu'est-ce qui explique cette presque défaite de 72? Bien, c'est ce que les observateurs et journalistes font ressortir dans les médias, c'est que nombreux sont ceux qui ont été déçus du premier gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau. Il faut aussi dire que le contexte économique a changé. C'est la période où on constate en fait la fin du boom économique de l'après-guerre. On sent les effets d'une nouvelle conjoncture économique là, qui amène une combinaison d'inflation, de chômage. Et donc, les gouvernements ne savent pas trop comment gérer cette nouvelle dynamique économique-là parce qu'on travaille beaucoup avec les théories keynésiennes qui semblent avoir peu d'effets sur ce type de crise économique comme telle. Oui. Le slogan est plutôt aussi jugé cru, peu convaincant. Le pays se porte bien, là, « The land is strong ». C'est peu convaincant, si bien que les résultats électoraux vont être très, très serrés et qu'il va falloir un dépouillement judiciaire pour proclamer le vainqueur. Trudeau, vous l'avez dit, va se retrouver à la tête d'un gouvernement minoritaire. Ils ont 109 sièges, les conservateurs en ont 107, 31 sièges pour les néo-démocrates et 15 pour le crédit social. Il faut dire qu'à la suite des résultats électoraux, Trudeau va reconnaître finalement devant la presse que le gouvernement en place depuis 4 ans était insatisfaisant. C'est un peu de cette façon que va se terminer le premier mandat du gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau. Jean-Charles Paneton, historien, politologue, auteur de nombreux livres sur la politique québécoise, dont « La politique québécoise, élections, scandales et réformes de 1960 à 1980 », publié tout récemment chez Septentrion dans la collection Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Jean-Charles. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.